الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 67 dans l'explication du livre الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان de Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah. Et on est arrivé donc aujourd'hui au cours 67 dans les commentaires de Cheikh Salih Al-Fawzan de ce livre. Et le Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit, Rahimahullah, « Wa afdalu ummati Muhammadin, sallallahu alayhi wa sallam, al-qarnu l'awwal, wa qad thabata anil nabi sallallahu alayhi wa sallam min ghayri wajhin annahu qal, خَيْرُ الْقُرُونِ الْقَرْنَ الَّذِي بُعِثْتُ فِيهِ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ صلى الله عليه وسلم وهذا ثابت في الصحيحين من غير وجه. Donc le cheikh, il dit, la meilleure de cette umma, ou les meilleurs de cette umma, parmi les gens de la umma de Muhammad صلى الله عليه وسلم, c'est la première génération, comme cela a été mentionné de façon authentique, hein, de plusieurs façons et dans plusieurs narrations. Et parmi ces narrations, l'exemple de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la meilleure génération, c'est celle dans laquelle j'ai été envoyé, puis celle qui la suit, puis celle qui la suit. Et ça, c'est authentique dans Al-Bukhari et Muslim, les deux authentiques. Et il y a différentes versions de ce hadith. Il dit ensuite, Cheikh Al-Fawzan, à propos de ce passage, أفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم القرن الأول وهم الصحابة الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبوه وتعلموا منه وجاهدوا معه ثم من بعدهم القرن ثم من بعدهم القرن الثاني وهو جيل التابعين الذين تتلمذوا على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم من بعدهم الجيل الثالث وهم أتباع التابعين الذين تعلموا على التابعين وهذه خير القرون خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم للقرون المفضلة من هذه الأمة. Donc le cheikh dit, les meilleurs de cette umma, la umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est la première génération. Ce sont les sahaba, ceux parmi lesquels le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé en premier. Et ils ont été les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont appris de lui, et ils ont lutté avec lui, et combattu avec lui. Puis ceux qui sont venus ensuite de la deuxième génération, qui est la génération des tabi'in, ceux qui ont étudié avec les sahaba, hein, et ensuite la troisième génération, ce sont les élèves de ceux qui ont étudié avec les sahaba. On les appelle atba' al-tabi'in, hein, les gens qui ont étudié avec les tabi'in. Et ce sont ceux qui ont étudié donc avec les élèves des sahaba. Et ces trois générations-là sont les trois meilleures générations, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la meilleure génération c'est la mienne, puis celle qui la suit, puis celle qui la suit. Donc ça, c'est le témoignage du messager sallallahu alayhi wa sallam pour les meilleures générations de cette umma. Ensuite, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit, « Wa fi al-sahihayn aydan anhu » أنه قال لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. Donc un autre hadith authentique dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'insultez pas mes compagnons, car je jure par celui qui tient mon âme en sa main, si l'un d'entre vous dépensait la quantité de Uhud en or, eh bien, ça n'aurait même pas la valeur de la poignée de main d'un sahabi, ou même la moitié. Et c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et Cheikh Al-Fawzan, il dit à propos de ce hadith, « هذا الحديث فيه فضل الصحابة والنهي عن تنقصهم وسبهم لا تسب أصحابي وهذا فيه تشريف لهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم سماهم أصحابه ونهى عن سبهم وبين صلى الله عليه وسلم ما لهم من الفضل فقال لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا يعني أنفقه في سبيل الله ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه وهو ربع الصاع ربع الصاع الذي يتصدق به الصحابي ما بلغ أحدكم مد أحدهم ولا نصيفه ولا نصيف المد أيضا كفى بذلك فضلا لهم. Donc Cheikh Al-Fawzan il explique que ça c'est pour montrer dans ce hadith le mérite des sahaba et l'excellence des sahaba et l'interdiction de les diminuer ou de les insulter, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit n'insultez pas mes compagnons, et il y a dans ça un honneur pour les sahaba que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam les appelle ses compagnons et interdise de les insulter, et cela clarifie le prophète sallallahu alayhi wa sallam clarifie ici que leur mérite, ils ont un grand mérite, et il dit même si l'un d'entre vous devait dépenser la montagne de Uhud en or dans le sentier d'Allah, eh bien ça n'aurait même pas la valeur de ce qu'un sahabi aurait dépensé s'il avait donné une poignée de main ou la moitié d'une poignée de main en sadaqa. Donc ça suffit pour montrer la valeur et la grandeur du mérite des sahaba radiyallahu anhum. Ensuite Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah il dit والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أفضل من سائر الصحابة قال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. Donc ça c'est l'explication de Cheikh al-Islam. Il dit que les premiers parmi les sahaba, ceux qui ont précédé dans la religion de l'islam, parmi les muhajirin et les ansar, c'est-à-dire ceux qui est les muhajiroun, les musulmans qui ont accepté l'islam à la Mecque et qui ont émigré, qui ont fait la hijra et qui sont allés à Médine, aussi ceux qui ont émigré avant ça en Éthiopie. Donc ça c'est le muhajiroun et al-ansar, ce sont les croyants, ceux qui ont accepté l'islam dans la ville de Médine et qui ont accueilli les muhajirin. Donc ceux-là sont les meilleurs parmi les sahaba. Et le shaykh il cite le verset 10 dans sourate al-Hadid dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie ceux d'entre vous qui ont dépensé de leurs biens avant la conquête et qui ont combattu ne sont pas comparables à ceux qui ont dépensé de leurs biens dans le sentier d'Allah et qui ont combattu après la conquête. Donc il y a une différence de degré entre les deux. Il dit ceux-là, c'est-à-dire ceux qui ont dépensé avant la conquête et qui ont combattu avant la conquête de la Mecque, ceux-là sont dans un degré plus grand, un degré plus élevé que ceux qui ont combattu et qui ont dépensé de leurs biens après la conquête. Et de toute manière, les deux, à tous ces deux catégories-là ou ces deux degrés-là, Allah a promis la meilleure des récompenses. Donc, ça c'est le verset, et le Cheikh il explique, Cheikh Al-Fawzan, il dit السابقون الأولون أفضل من بقية الصحابة والسابقون الأولون هم الذين أسلموا قبل الفتح وهؤلاء هم السابقون الأولون فهم أفضل ممن أسلموا بعد الفتح يعني فتح مكة والمراد هنا صلح الحديبية لأن الصلح الحديبية مقدمة يعني لفتح مكة سماه الله فتحا وأنزل الله في سورة الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا وهو صلح الحديبية أما قوله إذا جاء نصر الله والفتح فالمراد به فتح مكة وكلا وعد الله الحسنى، يعني كلا وعد الله الحسنى، الذين أسلموا قبل الفتح والذين أسلموا بعد الفتح، ولكن الذين أسلموا قبل الفتح أفضل. والإسلام دين العدل وينزل الناس منازلهم. Donc le cheikh explique que les premiers dans l'islam, ceux qui ont devancé les autres dans l'islam, sont meilleurs que le reste des sahaba. Et les sabiqoun, ceux qui ont dépassé les autres, qui ont devancé les autres et qui ont été les premiers à accepter l'islam avant la conquête. Le cheikh explique que ici, ce sont les premiers croyants, hein, les premiers qui ont accepté l'islam avant la conquête. Et il dit que la conquête, soit que c'est la conquête de la Mecque, mais il dit qu'est-ce qui est voulu ici, c'est plutôt l'entente qui a été faite entre les musulmans et les mouchriquines lors de l'entente de Al-Hudaybiyah. Hein, c'est l'allusion qui est faite dans ce verset, c'est la conquête de Al-Hudaybiyah qui a été appelée par Allah subhanahu wa ta'ala la victoire, hein, ou la conquête. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a appelé de cette façon dans le verset, dans Surat Al-Fath, le verset 1, « Inna fatahna laka fathan mubina » Nous t'avons donné certes une victoire évidente. Et c'était à propos de l'entente de Al-Hudaybiyah qui a été une vraie victoire pour les croyants. Et en ce qui concerne la conquête de la Mecque, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala s'y réfère dans le verset 1, dans Surat Al-Nasr, « Iza ja'a nasrullahi wal-fath » Donc Al-Fath ici qui est mentionné dans Surat Al-Nasr, eh bien là il parle effectivement de la conquête de la Mecque. Et il dit wa kullan wa'ada Allahu al-husna, à tous les deux groupes, ceux qui ont accepté l'islam avant la conquête et ceux qui l'ont accepté après la conquête, dans les deux auront la meilleure récompense de la part d'Allah. Mais ceux qui se sont convertis avant la conquête sont meilleurs. Hein? Pourquoi ils sont meilleurs? Pour plusieurs raisons. Parmi les raisons pour lesquelles ils sont les meilleurs, c'est parce que ils ont fait plus de sacrifices, ils ont fait plus d'efforts pour la religion d'Allah, ils ont plus souffert, hein, pour la religion, et ils ont fait preuve de plus de sincérité, parce que à leur époque, hein, la religion de l'islam était les croyants qui avaient accepté l'islam à cette époque-là étaient peu nombreux, et les mouchriquines étaient très cruels et durs envers eux. C'était plus difficile pour les musulmans d'afficher ou de montrer leur islam à cette époque-là que par la suite. Donc c'est sûr que les croyants qui ont cru en premier, qui ont dépensé de leur bien en premier et qui ont combattu en premier sont meilleurs que ceux qui ont combattu par la suite. Et le cheikh dit ensuite, cheikh al-Islam, donc il dit, cheikh al-Fawzan, il termine en disant que l'islam c'est la religion de la justice, et donc par conséquent chaque personne auront le degré qu'ils méritent selon ce qu'ils ont fait. Ensuite le cheikh explique, cheikh Ibn Taymiyyah, il cite le verset 100 dans Surat Tawbah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Donc dans ce verset Allah subhanahu wa ta'ala dit ceux qui ont devancé les autres dans l'islam et qui ont accepté l'islam en premier parmi les muhajirin et les ansar, et ceux qui les ont suivis de la meilleure manière, Allah est satisfait d'eux et eux sont satisfaits de lui. Et le cheikh al-Fawzan il dit à propos de ce verset wa hum alladhina aslamu qabla al-fath ittaba'uhum bi ihsan, yani ittaba'u as-sabiqin al-awwalin bi ihsan, yani bi itqan, amma man yantasibu ilayhim wa huwa lam yattabi'uhum bi ihsan فهذا لا يحصل على هذا الفضل لأن هناك من ينتسب إلى السلف وهو لا يعرف من هذا من وهو لا يعرف من هذا السلف بل يلصق بالسلف ما لم يكن من منهجهم من الغلو والخروج على ولاة الأمور وغير ذلك فيلصق بالسلف ما ليس من منهجهم، فهذا لم يتبعهم بإحسان، بل الذي يتبعهم بإحسان هو الذي عرف منهجهم واتبعه من غير علو، من غير غلو ومن غير تساهل، وهذا هو المحسن، ليس فيه غلو وليس فيه تساهل وإضاعة. كل يعني ما كل من قال أنا من السلف أو أنا على منهج السلف يكون صحيحا، حتى يفهمه أولا ثم يمشي عليه ثانيا، ولا يتجاوزه بإفراط أو تفريط، وهذا هو الذي اتبعهم بإحسان. Donc le Cheikh Al-Fawzan, il explique ici que ceux qui ont accepté l'islam avant la conquête, hein, donc c'est ceux-là qui ont été mentionnés comme étant ceux qui méritent ou qui ont reçu plutôt l'agrément d'Allah. Allah est satisfait d'eux et eux sont satisfaits de lui. Radiallahu anhum wa radu an. Et il mentionne وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ. Et ceux qui les ont suivis, c'est-à-dire qui ont suivi les sahaba, les tabi'in, les muhajirin et les ansar de la meilleure manière. Hein? Et il dit le shaykh بِإِحْسَانِ, ça veut dire بِإِتْقَانِ, hein, à la perfection, qui les ont suivis de la meilleure façon, avec perfectionnement. Et il dit, tandis que celui qui prétend adhérer à leur voie et qui prétend les suivre, hein, alors qu'il ne les a pas suivis de la meilleure manière, eh bien, il n'aura pas ce mérite-là et cette grâce d'avoir l'agrément d'Allah. Hein, parce qu'il y a des gens qui peuvent, hein, prétendre appartenir aux salafs et ils ne connaissent rien des salafs. Ils se collent aux salafs alors qu'il n'est pas sur leur voie et sur leur méthodologie. Hein? Ou bien il attribue aux salafs des choses qui ne font pas partie de leur voie et de leur méthodologie. Et il mentionne des exemples. Par exemple, l'exagération, l'extrémisme, le fait de sortir, de se révolter contre les dirigeants. Ils prétendent qu'ils sont sur la voie des salafs, puis ils font ces choses-là. Hein, ils tombent dans l'extrémisme, dans la religion, ils font des révoltes contre les dirigeants, puis ils se disent salafis. Donc le cheikh, il dit, ils collent aux salafs ce qui ne fait pas partie de leur voie et de leur méthodologie. Et donc, le cheikh, il dit, alors celui-là qui agit de cette manière, il ne les a pas suivis à la perfection. Il ne les a pas suivis de la meilleure façon. Hein? Donc il dit, celui qui les suit de la meilleure façon, c'est celui qui connaît premièrement leur méthodologie et qui la suit sans tomber dans l'exagération et l'extrémisme, sans tomber dans le laxisme aussi. Donc il est dans entre les deux extrêmes. Donc c'est lui qui est vraiment muhsin, qui les suit avec itqan, avec maîtrise, avec perfection, avec de la meilleure façon. Donc il n'y a pas d'exagération dans leur voix, et il n'y a pas non plus de laxisme et de laisser aller. Donc c'est pas toute personne qui dit moi je fais partie des salafs, ou je suis la voix des salafs, ou je suis la méthodologie des salafs, que ça veut dire que qu'est-ce qu'il dit c'est vrai et que ça s'applique réellement à lui. Jusqu'à ce qu'il ait compris premièrement qu'est-ce que c'est la voie des salafs, et deuxièmement qu'il ait suivi ou qu'il ait marché sur la même chose que ceux que eux ont suivi, sans dépasser et sans tomber dans l'exagération ou dans le laxisme. Et c'est ça que signifie de les suivre de la meilleure façon. Ensuite, Cheikh Ibn Taymiyyah a dit: وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلُوا وَالْمُرَادُ بِالْفَتْحِ صُلْحَ الْحُدَيْبِيَّةِ فَإِنَّهُ كَانَ أَوَّلَ فَتْحِ مَكَّةِ وَفِيهِ أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. فقالوا يا رسول الله أو فتح هو؟ قال نعم. Donc Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il dit ici que les premiers croyants, hein, ceux qui ont accepté l'islam en premier, parmi les muhajirin et les ansar, hein, ceux qui ont dépensé de leurs biens et qui ont combattu avant la conquête, avant la victoire. Et qu'est-ce qu'on veut dire par la victoire ici? Le cheikh il dit c'est l'entente de paix qu'on appelle Sulh al-Hudaybiyah. C'était avant la conquête de la Mecque. Et il dit à ce sujet, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé dans Surat al-Fath, hein, le verset 1, le verset 1 et 2. Et attendez, je vais vous lire la traduction de ces versets-là. Inna fatahna laka fathan mubina. Donc, la traduction, ça dit ce qui signifie, ou bien plutôt le verset qui signifie, en vérité, nous t'avons accordé une victoire éclatante, afin que Allah te pardonne tes péchés passés et futurs, qu'il parachève sur toi son bienfait et qu'il te guide sur une voie droite. Donc, au moment de la révélation de ce verset-là, yani, c'était à propos de Al-Hudaybiyah, et les sahabas ont posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que ça c'est une victoire? Est-ce que ça c'est une victoire? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit oui, hein, oui c'est une victoire. Le cheikh Al-Fawzan il dit ici, هو كان مقدمة لفتح مكة. يعني صلح الحديبية كان مقدمة لفتح مكة وهو في السنة في السنة السابعة من الهجرة بعده غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فتحها الله عليه ثم في السنة الثامنة فتح الله مكة لنبيه صلى الله عليه وسلم دخل الناس في دين الله أفواجا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا جاءت الوفود من القبائل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تبايعه وتعلن إسلامها بعد فتح مكة. Donc le cheikh il dit que donc la conquête de la Mecque, la conquête de la Mecque est venue donc après l'entente de Al-Hudaybiyah. Et cette entente de Al-Hudaybiyah, le cheikh dit que c'était une introduction, hein, de la conquête de la Mecque. C'était une introduction, c'est-à-dire c'est ce qui a préparé la victoire de la Mecque. Et c'était dans la septième année, cette entente de paix entre les musulmans et les mouchriquins, c'était dans la septième année de la Hijra. Et après cette entente, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a combattu Khaybar. Il a fait une conquête de la, il a attaqué la ville de Khaybar et il l'a conquérie. C'était la ville qui était entre les mains des Juifs à ce moment-là. Et ensuite, dans la huitième année, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné la victoire, hein, sur la Mecque. Hein, il a donné la victoire à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sur la Mecque, et à partir de ce moment-là, les gens ont commencé à entrer en islam par groupe, hein. Les gens, les tribus, les délégations des différentes tribus venaient à la Mecque après la conquête pour donner leur allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour déclarer leur islam au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il a cité à ce sujet-là les deux versets dans Surat An-Nasr, pardon, إذا جاء نصر الله والفتح, lorsque vient le secours d'Allah et la victoire, et que tu vois les gens entrer dans la religion d'Allah par groupe, hein. Donc ça c'est les différentes tribus, comme je disais, des délégations qui venaient pour annoncer et déclarer leur islam. Ensuite, le cheikh Al-Fawzan, il dit, مع أن صلح الحديبية لم يظهر لبعض الصحابة رضي الله عنهم أو لكثير من الصحابة رضي الله عنهم أنه من مصلحة المسلمين، بل كانوا متضايقين منه كعمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره، كانوا متضايقين من صلح الحديبية ويرون أن فيه هضما للمسلمين وعزا للكفار، بينما الواقع خلاف ذلك، فصار فتحا مبينا. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وإن كان فيها وإن كان فيما يظهر لبعض الصحابة أنه هضم للمسلمين وانتصار للكفار، لكن الحقيقة بالعكس، ولكن الحقيقة بالعكس، وهو أنه هضم للكفار ونصر للمسلمين، لأن الحرب وضعت أوزارها وارتفعت سلطة الكفار عن القبائل، فصار من يريد الإسلام يسلم ولا يخاف، وارتفعت يدهم عن من يريد الهجرة، فكانوا ينطلقون من مكة مهاجرين آمنين، بينما كانوا في الأول يخرجون مختفين وعلى خطر وعلى خوف، فهو عظيم. وأيضا صار ممهدا لفتح مكة. Donc le cheikh il explique que avec cette entente de Al-Hudaybiyah, qui au début elle n'était pas toujours claire ou apparente pour les sahaba, dans le sens que plusieurs d'entre les sahaba, lorsqu'ils ont vu cette entente de paix entre les musulmans et les mouchriquins, certains d'entre eux ont été déçus ou tristes de cette entente de paix. Et ils n'étaient pas confortables ou à l'aise avec cette entente, parce que certains d'entre eux, comme Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, ils considéraient que dans cette entente il y avait une faiblesse pour les musulmans et une force, une puissance, une fierté pour les kuffars, parce qu'ils voyaient que les clauses de cette entente étaient plus avantageuses pour les mouchriquins que pour les musulmans au début. Et le cheikh dit, alors qu'en réalité c'était le contraire, c'est devenu une victoire claire et éclatante pour les croyants, même si au tout début ça semblait peut-être être un rabaissement pour les musulmans et une victoire pour les kuffars, mais la réalité c'était le contraire, c'était une défaite pour les kuffars et une victoire pour les croyants. Car à partir de l'entente de paix de Al-Hudaybiyah, les gens ont cessé la guerre s'est arrêtée entre les musulmans et les mouchriquins, et les kuffars ont perdu leur autorité sur les autres tribus à partir de ce moment-là, parce que déjà les musulmans avaient eu plusieurs victoires sur Quraysh à partir de ce moment-là déjà. Donc celui qui voulait devenir musulman à partir de cette période-là, il était libre de l'accepter et il n'avait pas besoin de craindre les représailles de Quraysh. Et donc, les gens pouvaient accepter l'islam librement, et en même temps aussi, les gens qui voulaient faire la hijra vers Médine, ils pouvaient le faire librement aussi, alors qu'avant ça, les gens qui voulaient faire la hijra, ils venaient en se cachant, ils avaient peur, ils craignaient pour leur vie, tandis que à partir de ce moment-là ils pouvaient faire la hijra sans aucune crainte et ils étaient en sécurité. En même temps, le cheikh dit que c'était une préparation pour la conquête de la Mecque. Tout ça pour dire que ça a été un grand bien et une grande victoire pour les musulmans, cette entente de paix. Après, le cheikh il dit وأفضل السابقين الأولين الخلفاء الأربعة. Les meilleurs d'entre les sabiqin al-awwalin, les meilleurs d'entre les premiers croyants qui ont accepté l'islam, c'est les quatre khulafa, wa alaykum salam, c'est-à-dire Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali radiallahu anhum. Et le Cheikh, il dit, Cheikh Al-Fawzan, Afdalu al-Sabiqin al-Awwalin al-Khulafa al-Arba'a. Thumma baqiyatu al-Ashra al-Mubashirin bil-Janna. Thumma al-Muhajirin. Thumma al-Ansar. Thumma Ashabu Badrin. Thumma Ashabu Bay'at al-Ridwan. Kulluhum Ahlu Fada'il. Fada'il, Fada'il ila Fada'il. يعني ما بالك بالذي جمع هذه الفضائل كلها وجمع الأسبقية في دخول الإسلام وهاجر في سبيل الله وشهد بدرا وشهد فتح مكة وشهد المغازي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها ماذا يكون فضله؟ donc Cheikh Al-Fawzan il explique que les meilleurs d'entre les premiers croyants sont les quatre khulafa Ar-Rashidin, et ensuite les 10 qui ont été promis au paradis parmi les musulmans, puis ensuite les Muhajirin, ceux qui ont fait la Hijra, puis ensuite les Ansar, ceux qui étaient à Médine qui ont accepté l'islam et qui ont accueilli les Muhajirin, puis ensuite les gens qui ont participé à la bataille de Badr et ceux qui étaient présents lors de la Bay'ah de Ar-Ridwan, lorsqu'ils sont arrivés pour aller faire la Umrah, et qu'ils ont été empêchés par les mushrikines. À ce moment-là, ils ont donné l'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam sous l'arbre, et ça c'est Allah, il fait référence à ça dans le Coran. Donc ceux-là sont également meilleurs que ceux qui sont venus après. Puis chacun, donc, ils ont tous des mérites. Et c'est des mérites par-dessus les mérites. Donc, que dire de celui qui a réuni tous ces mérites ensemble? C'est-à-dire qu'il a réuni le fait d'être parmi les premiers à avoir accepté l'islam. Et en plus, il a fait la hijra, il a le mérite de la hijra. Ensuite, il a le mérite d'avoir été présent à la bataille de Badr et à la conquête de la Mecque. Et qu'il a participé à plusieurs des expéditions avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ou à toutes les expéditions. Donc, qu'est-ce qu'on va dire de son mérite à celui qui est comme ça? Donc, ça, c'est des mérites immenses. Et le Cheikh, il dit ensuite, wa afdaluhum Abu Bakrin, thumma Umar. Wa hada huwa al-ma'ruf, an al-sahaba, wa al-tabi'in lahum bi ihsanin, wa a'immatil umma, wa jamahiriha, wa jamahiriha. Donc, il dit qu'ensuite, yani les meilleurs d'entre les khulafa, wa alaykoum salam wa rahmatullah, les meilleurs d'entre eux, c'est Abu Bakr, et ensuite Omar. Et ça, c'est ce qui est connu, yani des sahaba et des tabi'in, et de ceux qui les ont suivis de la meilleure manière, ainsi que des grands imams de la religion et des musulmans en général. Ils ont tous considéré comme étant meilleurs Abu Bakr et Omar radiallahu anhuma. Et le Cheikh Al-Fawzan dit, وهذا لا خلاف فيه بين أهل السنة أن أفضل الصحابة بل أفضل الأمة أبو بكر ثم عمر ولا أحد ينازع في هذا من أهل السنة واختلفوا في الثالث هل هو عثمان أو علي اختلفوا في هذا والراجح أنه عثمان رضي الله عنه لأن الصحابة اختاروا عثمان حتى علي رضي الله عنه هو ممن اختار عثمان رضي الله عنه في أصحاب الشورى اختاروا عثمان رضي الله عنه ما اختاروه إلا لأنه أفضل بعد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. Donc il dit que il n'y a pas de divergence, il n'y a pas de divergence entre les gens de la Sunna sur le fait que les meilleurs d'entre les Sahaba et les meilleurs de la Umma sont Abu Bakr et Omar radiyallahu anhuma, et personne ne dispute cela parmi les gens de la Sunna. Par contre, ils ont divergé à propos du troisième. Qui est meilleur entre Uthman et Ali radiyallahu anhuma? Donc, ils ont divergé sur ça, puis ils se sont entendus sur le fait que Uthman était meilleur radiyallahu anhu, parce que les sahaba ont choisi Uthman radiyallahu anhu pour être le successeur de Omar. Même Ali, qui faisait partie des gens de la consultation que Omar avait désigné, parce qu'à la mort de à la mort de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, il n'a pas désigné de successeur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a désigné un genre de comité composé de 8 personnes et il a ordonné qu'ils choisissent eux-mêmes, parmi eux, celui qui va être le successeur. Et il y avait parmi ces 8, parmi les Sahaba, il y avait Uthman, il y avait Ali, il y avait Sa'd ibn Abi Waqqas, il y avait Abdurrahman ibn Auf, il y avait Abu Ubaida ibn al-Jarrah, il y avait encore un autre aussi dont j'ai oublié le nom, et donc parmi, également parmi les témoins il y avait Abdullah ibn Umar. Donc ils ont, parmi eux ils ont choisi Uthman radiyallahu anhu. Donc ça veut dire que ils ne l'ont choisi que parce que c'était le meilleur et parce qu'ils le considéraient comme étant le meilleur, hein, parmi eux après Abu Bakr et Omar radiyallahu anhuma. Ensuite Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah il dit وَقَدْ دَلَّتْ عَلَى ذَلِكَ دَلَائِلْ بَسَطْنَاهَا فِي مِنْهَاجِ أَهْلُ السُنَّةِ النَّبَوِيَّةِ فِي نَقْدِ كَلَامِ أَهْلِ الشِّيَعَةِ وَالْقَدَرِيَّةِ. Donc, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit qu'il y a beaucoup de preuves qui indiquent ce point-là, et il dit, je les ai mentionnées en détail dans mon livre, Minhaj al-Sunnah, hein, Minhaj al-Ahl al-Sunnah al-Nabawiyyah. Ça, c'est un des livres les plus connus de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Il est publié en plusieurs volumes. Et il réfute dans son livre les Shia. Il réfute les Shia et les Qadariyya. Parce que les Shia sont des Qadariyya de toute façon. Donc, il dit, par rapport à ce point-là, Cheikh Al-Fawzan, il dit, et puis on va terminer avec ça, il dit, « La yukhalifu fihi illa ahlul dalal. La yukhalifu fi hadha illa ahlul dalal min ash-shi'ati wa ghayrihim. Wa kitabul minhaj fi radd ala ala ash-shi'i minhaj al-karama. Al-Hilli, ismu al-Hilli. الشيعي في كتابه منهاج الكرامة يعني سمى كتابه منهاج الكرامة في الإمامة فرد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية بكتاب منهاج السنة النبوية في نقد كلام الشيعة القدرية وهناك اسم آخر منهاج الاعتدال في الرد على أهل الرفض والاعتزال لأنه رد على الشيعة وعلى المعتزلة. Donc le شيخ ابن شيخ الفوزان il dit que il n'y a pas de divergence, hein, par rapport à cette question que Abu Bakr et Omar sont les deux meilleurs de cette Ummah, et puis ensuite c'est Uthman et ensuite Ali radiallahu anhum. Il dit il n'y a personne qui diverge sur ça excepté les gens de l'égarement, hein. Personne ne diverge sur cette question excepté les gens de l'égarement parmi les Shia et d'autres également. Et il dit ça, c'est ce qu'il a expliqué dans son livre, Minhaj al-Sunnah, qui est une réfutation d'un livre écrit par un shi'i, qu'un shi'i a écrit, qu'il a appelé Minhaj al-Karama fil Imama. Et dans son livre, le shi'i, il essaie de défendre l'idée que c'était Ali qui était, hein, le vrai imam, et que c'est lui qui devait être le successeur, yani, selon la croyance des Rafidah. Et Cheikh al-Islam, il l'a réfuté avec le livre Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyyah, qui est un livre célèbre qui est publié, qui existe dans les librairies qu'on peut acheter. Yani, facilement, il est disponible. Même en PDF, on le retrouve maintenant gratuitement sur Internet. Et un des noms du livre, c'est ça. Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyyah fi naqdi kalam al-Shi'ati wal-Qadariyyah. Puis il y a un autre nom aussi de ce livre-là qui est connu, c'est le nom suivant, Minhaj al-i'tidal fi ar-radd 'ala ahli ar-rafd wal-i'tizal. Donc dans ce livre, Cheikh Ibn Taymiyyah, il réfute les Rafida, la secte Shi'a des Rafida, et les Mu'tazila. Les Mu'tazila, la secte des Mu'tazila. Et une des choses que les ulama ont expliqué aussi par rapport à la aqida des Shia, Rafida, c'est que ils sont tous Mu'tazila dans la aqida, à propos des noms et des attributs d'Allah, parce que les Rafida, les Shia en général, ils ne croient pas en les attributs d'Allah. Et ils rejettent le Qadar. Ils ne croient pas au Qadar. Donc ils ont ça en commun avec les Mu'tazila. C'est pour ça que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dans son livre, il réfute les deux groupes en même temps, Al-Rafida ou Al-Mu'tazila. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Et puis on continuera demain la suite. بإذن الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Donc juste pour expliquer que la raison pourquoi le cheikh il explique que les sahaba c'est eux les meilleurs après le messager sallallahu alayhi wa sallam puis ceux qui les ont suivis, c'est pour montrer que les meilleurs parmi les awliya d'Allah sont les sahaba. Donc ceux qui disent parmi les soufis que leur cheikh qui est né peut-être en 1800 de notre ère, que eux ils sont meilleurs que les sahaba, ça veut dire que c'est clair qu'ils sont dans l'égarement. Yani. Donc c'est le raisonnement que le cheikh il va expliquer un peu plus tard par la suite, Inch'Allah. Donc on va s'arrêter ici puis on continue demain.